Vous ne devriez pas commander ce que je dis, vous devriez parler de vous-même. Parler de vous-même. Oui, c'est ça, je veux dire, on sait que de la façon qu'on a compris ça. Mais quand vous rencontrez, vous parlez de vous-même, plus vous parlez de vous-même, plus vous développez à partir de vous-même. C'est pas ce que je dis qui est important, c'est ce que vous pouvez vous-même parler. Si vous redites ce que je dis, vous ne direz jamais comme je le dis. C'est une autre vibration. Fait qu'automatiquement, ça va être mal interprété. Moi, si je m'étais avec Michel, puis on parle, on peut parler, on parle, on parle. Je comprends absolument rien de ce que je dis, de ce qu'il dit. Ça rentre. C'est vibratoire. C'est pas psychologique. Il peut me parler de n'importe quoi. C'est vibratoire. La vibration est correcte. Ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Puis d'un coup, eux autres, s'ils veulent ajouter quelque chose à ça, hop, il y a une autre vibration qui rentre, on va absolument. C'est jamais psychologique. Quand on se parle ensemble, on ne devra jamais rien comprendre. Si vous comprenez quelque chose quand on se parle, c'est parce que vous comprenez rien. Comprenez-vous ça? C'est l'intelligence. Si vous comprenez quelque chose quand on se parle, vous ne comprenez absolument rien. C'est ça que je dis tout le temps, ce n'est pas les mots, c'est les vibrations. Si vous comprenez quelque chose, c'est ça. C'est ça que tu comprends. Ça dépend. Je sais, mais je peux pas te l'expliquer. Je ne peux pas t'expliquer, mais. C'est vibratoire. Parce que la vibration, ça pénètre, ça se fait sentir. Mais quand on essaie de l'interpréter, on embarque sur le côté intellect, c'est là qu'on s'embrouille. C'est ça. On essaie de tout rationaliser, puis là, on se met le doute en question. Mais c'est-tu vraiment ça? C'est-tu vraiment pas ça? C'est ça. C'est pas toi, tu pas. Ce qui est dit vertueusement, pas besoin de répéter. Il se répète pas. Si ça le dit, c'est ça. Il y a pas. C'est ça. Il y a pas. Moi, je disais, plus je peux aller à tri dans les vies, plus je peux effectivement. Effectivement. Très effectivement. Ah. Qu'est-ce qui a été mis dans les livres vibratoires? Mais je ne t'explique pas. Ça ne peut pas être écrit si c'est vibratoire. Ce qui a reçu, qui a mis dans les livres, s'il a reçu vibratoire, qui a été mis dans les livres, ça ne serait pas. Ça serait important à l'intelligent. C'est un type qui se fait pas l'esprit des choses. Mais moi, je me demande toujours où est-ce qu'il est pris. Il dit que si on comprend quelque chose, on comprend rien. C'est pas ça que je comprends. Jamais rien. J'ai un séminaire en fin de semaine, la fille était toute démontée parce qu'elle comprenait rien. J'ai dit, pas, mais tu comprends tout. Mais elle dit, tu comprends rien. J'ai dit, c'est ça, tu comprends tout. Elle n'a pas compris ce que je voulais dire. Elle était toute définie parce qu'elle ne comprenait rien. Oui, il comprend, mais je suis sûr. Je comprends que tu arrives à comprendre parce que je suis sûr. Mais ouais. Tu veux un break? Tout le monde sur Terre, tu comprends la première partie du jeu. Tu comprends. Mais moi, je ne comprenais jamais rien. C'est moi qui dis que je comprends. Il y a un truc qui c'est qui commence à comprendre ça? Qui c'est qui commence à comprendre ça? Qui a rien à comprendre. Moi, tu comprends ça? On se dit plus de rien quand on va dire on va être où on doit être quand ça va être le temps. C'est quand tu penses, tu as la pensée de comprendre quelque chose que tu le rationalises. Ouais, automatiquement. Mm. C'est pas la conversation du passé. Là, tu t'en bats. Oui. Puis là, tu rentres dans le doute. Puis c'est pas ça. Ça ne dit pas. Ouais, je t'en commence à bien. Je n'ai pas bien le matin. Ah, c'est un début. Dans la dernière conférence, Bernard a parlé des frustrations. J'ai tout compris. Je comprenais ce que tu disais. Là. Mais il y a une personne qui m'a demandé, oui, mais il a dit quoi? Je ne sais pas. Je ne suis pas capable de dire rien. Mais le temps que tu l'as dit, tu as dit que la sortie, ne m'a pas pour me répéter, je ne sais pas. Je pense que tu me donnerais 1 000 $. Je ne suis pas capable de dire 2 mots là-dessus. Ben non, encore, tu demandes une question à Bernard, et tu demandes, il te l'explique. Il faut la route. 2 minutes après, tu sais, tu me dis, par répondre. C'est vrai? Moi, j'ai toujours dit en fin de journée, aller à une conférence ou faire des choses comme ça, au bout de 15 jours, une semaine, pour que tu bien te couper. C'est impossible, je l'ai remarqué. Tu as l'impression de t'en rappeler tout d'un coup. Tu dois vivre. C'est bien. Si tu le cherches, tu le trouves pas. Pourquoi tu le cherches? Ça devient instantané. C'est impossible qu'on le cherche. Non, mais je dis, quand tu essaies de comprendre ça, là, cherche. OK. Je vais commencer, c'est un autre point. Éventuellement, on s'ajuste, même aux mots, même si les mots ne sont pas précis, on sait ce que ça veut dire. Oui, c'est ça. La vibration, c'est de. Oui, exactement. C'est toute la vibration. Des fois, je fais tout croche, hein, pas les mots qui ne sont pas corrects, puis ça passe pareil. Ça, la vibration. Tu parlais de que la planète est entourée d'un champ de tête, c'est du champ de tête. Et donc, il faut que tu sois conscientisé avant que ça se passe. C'est indépendant de la gravité. C'est indépendant de la gravité. Il n'y a pas de plus. Un bâton. Accepte pas de ce matériel-là. Tu peux avoir de raison. Il dit la seule chose pour nous autres qui est importante, c'est le matériel qui nous permet d'avancer dans la vibration de l'âme dans l'ego. Tout le reste. C'est pas important parce que ça nous aide, ça développe notre intellect. Ça nous rend philosophique. Ils veulent pas qu'on soit philosophique. Je

Ça passe tes vibrations à part. Ça passe pas, passe pas. Si tu fasses la note automatiquement, le matériel n'est pas ajusté, puis là, tu vas avoir un autre parti. Tu vas avoir un autre ego qui va te mettre un bloc. Tu vas te dire, ah oui, mais. C'est subtil. C'est un art, parler. C'est parler, parler. Tout bout.